La délégation du Parti du Travail de Corée, conduite par Lee Su-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a regagné le 2 juin la patrie par avion au terme de la visite en Chine.